Regarde les types fans farlouches, mec, c'est pas parfait pour les carouches. Ouais, car mon équipe, frère 2003, c'est notre époque. Et par tous les moyens possibles, sur un certain, il faut qu'on contrôle. Quitte à faire des homicides, sur 10, t'es cassé les gueules dans la street. Donc ne joue pas le caïque, ce serait de repartir en Suisse. Je compte des fois pas chez moi, un quartier, mais avec toute une ville. En cas d'embrouille, même le futail, y'a tout à vos likes qui se défile. C'est désolant, mais si tu branches, c'est seulement l'ambulance. On appellera en urgence, pour conduire aux urgences. Son info, on est tous fous, tous descendants d'Afrique. De la terre frère au Dom-Tom, ici du 95 au 48. Alors ne joue pas à macro, ça va se finir au poste du train. Tu vois déjà parce que pas le gros Dodge Mike, c'est les 15 à côté bar, je suis près d'un quartier bourge. On a la rage, on vient de jogger, je serais certain d'un quartier bar. J'ai l'un d'elle, ça, je suis sur tes gardes, même si on a l'air calme. La section 2 te montre comment on canne un man, on passe le cas. On cas d'embrouille, on sort les couilles, t'inquiète, on prend nos couilles. Du coup, je pas la poule, on est toujours prêt, on est cool. On arrive aujourd'hui, on est 10, alors qu'hier on était 30. Chacun de nous, on vaut 10, c'est comme si on était 100. On n'est pas capable de manier le Glock 17 pour 10 flags. Porter la cagoule pour que d'un qu'on s'est chargé, j'ai ta blanche. Notre équipe est appliquée dans tous les gros rides de France. Sous défonce, ou pas nous enfonce. Ici, il y a des fonds défonce. Car je dédie, moi je dédie cette putain de chanson pour tous les mecs qui portent leurs couilles et qui chient pas dans leur garçon. Car à fond, ceux qui passent à nous tiennent le coup. Espèce de con, tu croyais quoi si tu nous testes, on tord le coup. Les mecs à scandale reviennent exposés enfants sur l'instrumental. Une bonne équipe des nerds assis, un sacré mental. Pourtant, depuis toujours considéré comme des débuts mentaux. Un conseil, mais un gilet à la place de son manteau. Une bonne jeu bar, il vient tout droit des fafons de jeu d'art 9540. Ouais, tu croyais d'être complaisant. Madinina, Gaïana, c'est le 97 qu'on présente. Moi, c'est Biscan, tu connais pas, maintenant c'est fait, je me présente. Ça fait pas de proche, une barre coco, dégage coco, mon domaine, crime et l'ego. Écraser mes ennemis comme des négos. Je fais chagage les gros. Ville de bois, j'bourrais de bise et l'ego. Ici les gosses prennent pour des gosses, les gosses prennent pour des gars. Le taux de violence nous fait qu'attiser l'ampleur des dégâts. Dégage, si tu penses qu'on est bon qu'à traîner dans les cages d'escalier. Dans ce calier, un destin mesquin, nous prend pas pour des miskins. Bon qu'à toucher les Aztecs sans deck. J'suis décidé, je vends des CD, même des CD. Excédé par ces terres, te jure, je vais pas céder. Pour y accéder, je vais la rue et boycott tous les CD. Pour la chandelle, gare à l'équipe. L'ampleur c'est vraiment mortel, gare à l'équipe. En cas de couille, en cas d'embrouille, tous la cagoule, car à l'équipe. Le jeu en vaut la chandelle, car à l'équipe. L'ampleur c'est vraiment mortel, car à l'équipe. En cas de couille, en cas d'embrouille, car à l'équipe. On enfile tous la cagoule, car à l'équipe. Viens pas tester mon équipe au match, j'suis Mac. J'range de pique comme une termite. 95, j'habite, j'débite. En solo avec mon équipe au mic, en alliance avec. C'est armé jusqu'au dents, passe par balle dans la tête. Laisse faire les hommes, car mon jet sans action. Y'a pas de gangsta, y'a juste des gangs. Des revolvers qui te laisseront cul à terre. Qu'on vient en tôle, on vient sous ta misole, qu'on vient m'épaule. 95, faut pas t'affoler, si c'est Garchal. Je charge, crache à la présentation de mon groupe. Gare à vous, mon équipe au rendez-vous. Les gros, je recharge, crache tout sous dans ton boule. Avant que la rumeur foule, la warband frog. Je laisse pas mon caleçon, c'est comme ça qu'on se fait calciner. Je n'aime pas crier à l'aide, mais le crime parfois ça aide. C'est loin d'être le droit chemin, j'y pense. Rien à foutre que t'es un ouf, mes garçons, fais gaffe à tes subs. Si tu pénètes ma zone, t'en sortiras pas la vie. Sans prison chez nous, n'y songe même pas. Paraît-il, c'est possible, pourtant c'est d'une bête embuscade aussi que tu seras la cible. C'est étrange, en territoire est interdit aux étrangers. Si t'es trop froid puisque je jeûne, alors comment garder le sourire? Différent des lots, tu pourrais même faire égorger. Car on est fou et saute plus quand même. On a dépassé les bornes, nous immergés dans la mer. Cette violence plus qu'en norme, noyé dans la délinquance. À quoi plus personne sait nager, vu qu'on s'enfonce vers le fond. On kiffe les braquages pour manger. Carnage des batailles rangées lorsqu'il s'agit de régler nos comptes. Et peu importe ce que ça nous coûte, on fait des centres à 140. LS, y'a même qu'un pros à pros, on se reposait dans l'entrepôt, la névrose entre pros, et on proposait ce que l'on compose. Si l'incon se pose, pose, on le décompose, et pour cause, on perd la psychose pour défendre notre putain que je place. Mon dispositif, les résultats dispositifs, selon ma position, tous les projets à disposition. À merci, je dis merci, à ma merci. Si mon style se diversifie, les vrais, à mes versifiques, car il suffit de finesse, d'adresse et de doigt. T'es un Shaolin avec sa zézé qui mérite pour te mater. Alors, mat, ma technique de fou, car Viscan fout des coups enfoirés avec nous, pas de points forés, ton coup enfoiré. T'atteindre, je suis prêt à faire l'impossible. Comme Sarkozy, nos lois sont toutes passibles. T'as le choix entre l'amour et fusil à tout double. Vas-y, fais vite, c'est nous qui font un choix pour toi, pas du tout crédible. Là où je vis, y'a déjà au visage double. Avec nos cylindres, je cherche pas à faire la course. Sur l'instru, c'est cru, on se croirait à BO. 95 140, laisse des tentasses. À forte menace, on représente Gassassel. Dans le nord, on revendique qui suit d'ici. Les gros mafieux, des rues pleines d'homicides. Volontaire ou involontaire, on s'emballe, on finira tous. Sous terre, on ira tous sous terre. Dans 10 man, Kenzo, Buscan, et tout petit. Alors gare à notre équipe, car sur le pit y'a pas de limite.